الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا هذه الكلمة، فنسأله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وبعد، فنواصل بحول الله جل وعلا دراستنا لهذا الكتاب، كتاب التوحيد، الذي ألفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, et comme on a dit, qui est né en l'an 194 de l'Hégire et décédé en 256 de l'Hégire. Donc on va continuer, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, en espérant avoir la réussite. Et on s'est arrêté dans la dernière allocution, lorsque on a commencé l'étude du premier chapitre. Donc le premier chapitre, l'imam al-Bukhari a dit « Babu ma ja'a fi du'a in nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ila tawhidillahi tabaraka wa ta'ala ». Donc l'imam al-Bukhari a commencé donc le livre de l'unicité en mentionnant le premier chapitre. Donc c'est le chapitre concernant l'appel du prophète sallam au tawhid, à l'unicité, au monothéisme pur. Et donc il va mentionner des preuves ici et des hadiths concernant l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a appelé sa nation à vouer un culte pur et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au monothéisme pur, à l'unicité. Et le premier hadith qu'il a mentionné ici, c'est le hadith de Abdallah ibn Abbas, du célèbre compagnon, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adh au Yémen. Donc Mu'adh ici, il veut sous-entendre le compagnon Mu'adh ibn Jabal. Donc c'était un grand compagnon, le compagnon qui était le plus connaisseur concernant les questions du halal et du haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit dans ce récit qu'il l'a envoyé au Yémen. Et pour plus de détails, l'imam al-Bukhari va citer un deuxième hadith. Donc hier on a cité le premier hadith. Aujourd'hui, on va citer le deuxième hadith. Et dans ce deuxième hadith, on aura un rajout, un complément d'information concernant le premier récit qu'on a cité, que Abdallah ibn Abbas nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ba'atha mu'adhan ila al-Yémen. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal ila al-Yémen, au Yémen. Dans le deuxième hadith, l'imam al-Bukhari dit « Haddathani Abdallah ibn Abi al-Aswad, haddathana al-Fadl ابن العلاء حدثنا إسماعيل ابن أمية عن يحيى ابن محمد ابن عبد الله ابن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. Donc dans ce deuxième récit qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, donc il dit, il m'a rapporté, donc on a cité la chaîne de transmission, il dit, il m'a rapporté Abdallah ibn al-Aswad, que lui-même lui a raconté, lui a rapporté al-Fadl ibn al-Ala, qui dit, m'a raconté Ismail ibn Umayya, d'après Yahya ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Sayfi, annahu, que lui-même a entendu Abba Ma'bad. Abba Ma'bad, cet homme-là qui était l'affranchi de Abdallah ibn Abbas, qui dit, J'ai entendu Abdallah ibn Abbas, ce célèbre compagnon, Yaqul, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adhan nahwa al-Yaman. Vous avez vu dans cet énoncé-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh nahwa, en direction, il est mentionné. Faqala lahu, en direction du Yémen. Et le prophète lui a dit, lui a enjoint, en lui disant, tu vas aller vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le tawhid, l'unicité d'Allah. Si ils reconnaissent cela, alors informe-les qu'Allah Jalla wa Ala leur a imposé cinq prières prescrites, de nuit comme de jour, ou de jour comme de nuit plutôt. Faïda sallu, et s'ils prient, alors informe-les qu'Allah Jalla wa Ala leur a imposé une zakat. Donc la zakat qui est l'impôt légal. Donc ils devront s'acquitter de l'impôt légal. Cet impôt, cet argent qui se prend des riches pour être donné aux pauvres. Et s'ils acceptent cela, et le prophète ensuite termine le hadith en disant cela. Dans le commentaire, donc maintenant on va essayer de comprendre ces deux hadiths qu'on a lus. Donc Mu'adh, le prophète, le compagnon Mu'adh ibn Jabal, le prophète l'envoie au Yémen. Et ça, les savants, Cheikh ici dans son commentaire, Cheikh Ibn Al-Athaymeen nous dit que ça s'est produit en l'an 10 de l'Hégire. Fa ba'thu Mu'adhin ila al-Yaman kana fi as-sanati al-ashirati min al-Hijra. Fa ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Musa al-Ash'ari ila al-Yaman. Lakin ba'atha kull wahid minhumā ila nāhiyah. Wa li hadha waradat alfāḍu hadīth Ibn 'Abbās fi ba'thi Mu'adh 'ala wajhayn. Al-wajh al-awwal بعث معاذا إلى اليمن والوجه الثاني بعث معاذا نحو اليمن أي جهة اليمن. Donc au début de l'explication, le cheikh nous dit que il nous est mentionné donc que le prophète a envoyé le compagnon Mu'adh vers le Yémen. Et donc comme on l'a dit précédemment, ça c'était en l'an 11 de l'Hégire. Mais aussi, il a envoyé un autre compagnon qui était Abu Musa al-Ash'ari. Donc Abu Musa al-Ash'ari, tous deux, que ce soit Mu'adh ibn Jabal ou Abu Musa al-Ash'ari, tous deux étaient des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisant partie des savants parmi les compagnons. Et il les a envoyés tous deux donc en direction du Yémen. C'est pour cela que on stipule bien en direction du Yémen. Pourquoi? Parce que lorsque vous observez l'énoncé du hadith de Abdallah ibn Abbas, par rapport à l'envoi du prophète Ansem de Morad au Yémen, alors il faut considérer deux aspects. Il y a deux aspects du récit. Il y a l'énoncé qui dit, par rapport au premier aspect, que le prophète Ansem l'a envoyé au Yémen. Et le deuxième aspect, l'énoncé qui dit Ba'atha Morad Nahwa al-Yémen. Nahwa al-Yémen, c'est-à-dire en arabe, ça veut dire Jihad al-Yémen, en direction du Yémen. Donc il y a l'énoncé qui énonce et qui stipule clairement que le prophète a envoyé Mourad, le compagnon, au Yémen, et l'autre énoncé qui dit que le prophète l'a envoyé en direction du Yémen. Wathani aqrab ila al-waqi', ay nahwa al-Yémen. Et Cheikh ici Ibn Athaymin dit ce qui est plus probable, le sens le plus probable qu'il faut prendre en considération, c'est le deuxième, le sens le plus proche de la réalité. Il dit c'est le deuxième, c'est-à-dire والثاني أقرب إلى الواقع أي نحو اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى جهة وبعث أبا موسى إلى جهة أخرى. Pourquoi الشيخ العثيمين رحمه الله il opte pour le second sens, c'est-à-dire en direction du Yémen, parce qu'il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé Mu'adh vers une direction et il a envoyé le compagnon Abu Musa vers une autre direction. Vers une autre direction. وَلَا يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُنَ اللَّفْظُ الَّذِي فِيهِ إِلَى الْيَمَنِ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصِ. Et il n'y a pas d'empêchement, ça n'empêche pas que l'énoncé qui dit qu'il l'a envoyé il al Yémen, au Yémen, que ce qui est voulu, c'est une spécificité, une particularité, ou bien wa inkana lil umum, ou bien même si c'est une généralité. Wa ma'loum, mais ce qui est connu, c'est que Mu'adh lam yatajawwal fi kulli al-Yémen. Ce qu'il faut comprendre maintenant, en résumé, en conclusion, pourquoi Shir stipule cela, c'est pour dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le compagnon Mu'adh, lorsque le prophète sallam l'a envoyé au Yémen, il n'a pas parcouru tout le Yémen. Il stipule bien cela, en conclusion, c'est dans le sens que Mu'adh ibn Jabal, le compagnon, donc lorsque le prophète sallam l'a envoyé en direction du Yémen, vers le Yémen, il n'a pas parcouru tout le Yémen. Donc ça, c'est la première chose, le premier point que mentionne Shir dans le commentaire des récits. Ensuite, il dit « Wa shahid min had al-hadith ». Donc, l'élément illustrant dans ces hadiths. Ce qu'il faut comprendre, l'élément illustrant, c'est ce qui est en relation avec le chapitre. Puisque le chapitre, c'est l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam au tawhid, au monothéisme. Donc, l'élément illustrant ici, ce qui est en relation avec le chapitre, c'est la partie du récit lorsqu'il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il est Yémen, et lui a dit « فَلِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ » Donc la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah. « أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ » Et comme on l'avait expliqué hier, « أَنْ يُوَحِدُ » donc c'est le verbe. C'est le verbe, et de là, il y a le nom d'action, « al-masdar » qui est « التوحيد ». يُوَحِدُ مُطَابِقَ لِلْتَرْجَبَةِ تَمَامًا. C'est pour ça qu'il dit, le verbe qui est mentionné dans le hadith, « أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ » Donc lorsque le prophète, il envoie Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala an, au Yémen, il lui dit d'appeler ces gens qui se trouvent là-bas, de les appeler, de leur enseigner, « أَنْ يُوَحِدُ اللَّهَ » c'est-à-dire « التوحيد » de leur enseigner « التوحيد » Et c'est pour cela que ce terme « يُوَحِدُ » le verbe, il dit, il est en complète conformité et concordance avec le titre, avec l'intitulé du chapitre. Et dans un autre énoncé, dans le même hadith, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Et c'est pour ça qu'on a un autre énoncé du même hadith qui dit que la chose, la première chose à laquelle tu les appelles, ça soit l'attestation de foi qu'il y a nul adoré véritable si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est-à-dire que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est « La ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah ». « Lianna ahl al-kitab la yu'minuna bi anna Muhammadan rasulullah ila jami' al-khalq ». Parce que pourquoi? Parce que les gens du livre, et à savoir que les gens qui étaient au Yémen à l'époque, ces gens-là, c'était des gens du livre. Donc, il y avait des chrétiens et autres. Et donc, le prophète, il envoie Mu'adh, il est au Yémen, vers le Yémen, vers les gens du livre. Donc, c'était pour appeler les gens du livre à l'islam. Et à savoir que dans l'énoncé où que le prophète dit à Mu'adh que tu les appelles à l'attestation « La ilaha illallah » et que Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, c'était donc des gens du livre, ils ne croyaient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed avait été envoyé pour la totalité de l'humanité. « Fayakounu hadha al-lafz huwa al-mu'tabar » Fayakoun hadha al-lafz huwa al-mu'tabar » Pourquoi? Parce que maintenant, on a deux énoncés. On a un énoncé du récit. وليكن فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. Donc le premier énoncé, qu'ils unifient Allah. Une traduction littérale. On a le deuxième énoncé, tu les appelles à l'attestation, la ilaha illallah, à témoigner qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc Shirdi, il pose la question. Quel est l'énoncé qu'on va le plus considérer? Et il dit, on va considérer le deuxième énoncé. Les annafi ziyada. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un rajout d'information, il y a un complément d'information. C'est-à-dire que là, il y a ce détail en plus où le prophète dit à Mu'adh, tu les appelles à l'attestation la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah. فهو قوله أن محمدا رسول الله. Et le complément d'information, donc, c'est et tu les appelles, tu leur enseignes que Mohammed est le messager d'Allah. Et comme on a dit précédemment, pourquoi? Parce que là-bas, c'était des gens du livre, et eux ne croyaient pas que Mohammed était le messager d'Allah pour toute l'humanité. Pour cela, cet énoncé-là, c'est celui qui est pris en considération. Parce qu'il dit, donc c'est l'énoncé où il y a complément d'information, il y a rajout d'information, où il y a plus d'enseignement. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث معاذا إلا مرة واحدة ولم يوصيه بما أوصاه به إلا مرة واحدة. Il dit, ce qui est connu, c'est que le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, est-ce que cela s'est produit plusieurs fois ou bien une fois? C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a envoyé plusieurs fois là-bas, en direction du Yémen, ou bien une fois? Il dit, ce qui est connu, c'est qu'il l'a envoyé une fois. C'est-à-dire que ce fait-là, cet événement-là, s'est produit une fois, et non plusieurs fois. Et donc, cette recommandation du prophète sallam envers Mu'adh, d'appeler les gens qui se trouvent là-bas, c'est-à-dire les gens du livre, à l'attestation de foi, il dit, cela s'est produit une fois. وعلى هذا pour cela il dit فينبغي أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها وأكثرها وهكذا ينبغي في كل حديث اختلفت ألفاظه ونحن نعلم أنه لم يقع إلا مرة واحدة فإنه يجب علينا أن نأخذ أوفاها وأتمها سياقا لأن الوافي التام السياق يدل على أن الراوي قد ضبطها وأحاط به. Et c'est pour cela que le Cheikh nous explique, donc de ce fait, s'il y a un énoncé qui mentionne plus de détails et plus d'informations, qui est plus complet, alors dans ce cas-là, on va prendre en considération, ce qui sera plus pris en considération, ça serait cet énoncé. Surtout si, parfois, il peut y avoir divergence entre deux énoncés. ونحن نعلم, il dit, أنه لم يقع إلا مرة واحدة, surtout comme il l'a dit précédemment, cet événement-là s'est produit qu'une fois. Alors, c'est pour cela que l'énoncé où il y a plus de détails communiquant du contexte, alors c'est celui-là qui est pris en considération. Et si vous voulez, ce qui est le détail, le complément d'information qu'il y a, c'est le fait que le prophète lui dit « Et donc, tu les appelles à témoigner que Mohammed est le messager d'Allah ». Pourquoi? Parce que an yuwahhidullah, l'unicité, donc c'est la parole la ilaha illallah. Donc ça c'est mentionné dans le premier énoncé. Et dans le deuxième énoncé, donc on a ce complément d'information, donc, et aussi que Mohammed est le messager d'Allah. Ensuite, Shir continue. Ala kulli hal, ila an yuwahhidu Allah hiya ma'na shahadata an la ilaha illallah. Wa fi hadha al-hadith dalilun ala an ahl al-kitab lam yuwahhidu Allah 'azza wa jalla. Et donc dans ce hadith, on a une preuve que les gens du livre, ils unifiaient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'étaient pas dans le monothéisme. Leur pratique, ce n'était pas la pratique du monothéisme. Mais bien au contraire, ils étaient polythéistes. Et ce qui prouve cela, c'est que Al-Yahoud, par exemple, disait que Uzair était le fils d'Allah. Et par exemple, Al-Nasara, les chrétiens disent que Al-Masih, ce qu'ils nomment Jésus, Isa, Al-Masih, pourrait le considérer comme le fils d'Allah. Ou bien ils disent Inna Allah thalithu thalatha. Ou bien ils disent que Allah est l'un des trois. Et ça sous-entend la Trinité. Donc ils professent la Trinité. Et ça, c'est contraire au monothéisme pur. C'est contraire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des formes de polythéisme. Fahum lam yuwahhidu Allah jalla wa ala. C'est pour ça que eux ne pratiquent pas le monothéisme pur et ils ne sont pas sur l'unicité. Et de ce fait, on comprend dans le verset 5 de Sourate Al-Ma'ida, lorsqu'Allah dit wal muhsanat min alladhina utul kitab min qablikum. Lorsqu'Allah, dans ce verset 5 de Sourate Al-Ma'ida, il autorise le mariage avec les femmes des gens du livre. Donc, ay hillu nisa ahli al-kitab thabitun. Donc, l'autorisation et la permission pour un musulman de se marier avec une femme des gens du livre, cela est permis. Il dit, puisque c'est clairement stipulé, mentionné dans le verset 5 de Sourate Al-Ma'ida. Et il dit, wala ukanu yaqulun bishirk, même s'ils professent des formes de polythéisme, même s'ils disent du shirk. Pourquoi? Parce que c'était connu qu'ils étaient polythéistes. Wa fil hadith dalilun ala radd qawli man yaqul. Et dans ce récit aussi, parmi les informations, parmi les enseignements qu'on a, Cheikh va nous dire le fait qu'il y ait une réfutation à l'une des paroles les plus fausses. وأفسد منه قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك أن يشك أولا ثم ينظر في الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك وهذا القول من أبطل الأقوال بل هو أبطل الأقوال لأن الذي يلقي نفسه في الطين ليتعلم كيف يخرج من الطين هل يأمن أن يرقد من الطين فربما هذا الرجل يشك أولا ثم يشرك وبذلك لم يستطع أن يصل إلى اليقين فيبقى شاكا فنسأل الله العافية من هذه الأقوال. Il dit, donc dans ce hadith on a une réfutation sur une parole qui est une croyance et une parole absurde, et c'est la plus fausse des paroles. Il dit le fait de dire que la première obligation qui incombe à l'homme, c'est le doute. Alors, ça serait d'abord qu'il doute, ensuite qu'il observe les signes, par exemple de la création, min ajli an yadfa'a hadha ash-shak, pour qu'il puisse repousser ce doute-là et dissiper ce doute-là. Il dit wa hadha al-qawl min abtali al-aqwal. Il dit cette parole-là, c'est la parole parmi les plus fausses paroles. Il dit bien au contraire, c'est la parole la plus mensongère. C'est une parole, une croyance qui est absurde. Le fait de dire que la première obligation de l'individu, de l'homme, c'est d'abord de douter, ensuite d'observer les signes, les preuves. Ensuite, cela lui fera dissiper. Avec cela, il va dissiper et repousser ce doute-là. Il dit une personne qui se jette dans l'argile, qui plonge son corps dans l'argile, يَتَعَلَّمْ كَيْفَ يَخْلُجْ مِنَ الطِّينَ, pour qu'il apprenne comment sortir de l'argile. Il n'est pas à l'abri de pouvoir se relever de cette argile et de sortir de cette argile. Alors comment il peut plonger son corps là-dedans et se mettre en danger? فَرُبَّمَ هَذَا الرَّجُلْ يَشُكْ أَوَّلًا. Il dit peut-être cette personne, elle va d'abord douter. Si on lui dit d'abord il faut douter, ensuite elle va tomber dans le polythéisme et peut-être elle ne va plus jamais revenir de ce polythéisme. فَبِذَلِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْيَقِينِ. Et de ce fait, jamais il n'atteindra la certitude, ce qui est demandé. فَيَبْقَ شَاكًا, et toute sa vie, il restera dans le doute. فَنَسَ اللَّهَ الْعَافِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ. C'est pour ça qu'il demande à Allah qu'il nous préserve hein, de ces paroles mensongères. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Beaucoup de gens, à cause de leur ignorance, sont tombés dans des choses vraiment, vraiment absurdes et contraires à la religion. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup ont été cause d'émergence, de fausseté et d'innovation et de dérive dans notre communauté. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre et faire attention. On sababu hadhil aqwal. Et dit la cause de ce genre de paroles, de la propagation de ce genre de paroles. C'est le fait qu'il dit les gens ont dévié de la nature saine et de la nature innée. Cette nature sur laquelle les gens et les hommes ont été créés. Allah Jalla wa Ala les a créés. فهو انحراف الفطرة والطبيعة عند هؤلاء. فيظنون أن الناس مثلهم. Il dit du fait que ces gens ont dévié de la nature saine, de la nature innée de l'être humain, alors ils pensent que les autres hommes sont comme eux. والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة. Eux, s'ils ont dévié de la nature saine, de la bonne nature et de la nature innée sur laquelle ils ont été créés, les gens, la majorité des gens, eux, sont majbouloun ala al-fitra, ils sont restés sur la nature innée. Fala nahtaj an naqul unzuru man khalaqa as-samawat wal-ard li'ann hadha amrun ma'lun fitriyan. C'est pour ça dans un premier temps, on n'est pas forcément obligé de dire à une personne regarde, observe la création des cieux et de la terre. Il y a des gens, on n'a pas besoin de leur dire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est ancré en eux. C'est quelque chose qui est inné. C'est inné à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur création. Ils ont été créés sur cela. Mais plutôt, on peut leur dire directement: Bel naqul wahidu man khalaqa as-samawat wal-ard Il y a des gens qu'on n'a pas besoin de leur répéter constamment, regardez, observez les cieux et la terre. Il y a des gens qui savent qu'il y a un créateur. Ça fait partie de leur nature innée. Donc il y a des gens qui savent. Donc lorsqu'on s'adresse à eux, on peut leur dire directement, l'adoration, il faut l'avouer exclusivement à Allah. On les appelle directement au monothéisme, à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui reconnaissent leur créateur, qui savent d'une manière innée qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. أما إذا احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نخبره مثل أن يكون شخص نشأ في بلاد شيوعية لا يعرفون ربا ولا إلها وإنما هم كالأنعام فهؤلاء قد نحتاج إلى أن نعرفهم الرب par exemple بالله أولا. Il dit par contre, c'est possible bien sûr qu'il y ait des gens, avant de les appeler au monothéisme et à l'unicité, avant de leur dire de vouer et de consacrer leur adoration, que leur adoration soit dédiée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien sûr, il y a des gens par exemple, ils ont besoin que d'abord, on les appelle à l'observation des signes de la création, des signes qui prouvent l'existence d'un créateur unique. Il y a des gens, Naram, il dit ici par exemple, une personne qui a grandi et qui a évolué dans un pays communiste, par exemple, ni ils ne connaissent de Seigneur, ni ils ne connaissent leur adoré, ni ils ne connaissent leur créateur. Et bien au contraire, ils sont comme des bestiaux. Il dit oui, peut-être, ces gens-là, là, on aura besoin de leur faire connaître leur Seigneur. Donc là, on aura besoin de les appeler à méditer, à observer les signes de la création et de leur faire connaître qu'ils ont un créateur, qu'ils ont un Seigneur. Ensuite, après cela, et ensuite, après cela, après cette phase-là, et cette étape-là, ensuite, là, on les appellerait, et on leur enseignerait, التوحيد, le monothéisme, en second plan. لكن أهل الكتاب. Mais en ce qui concerne les gens du livre, فلا يحتاجون إلى تعريف بالله. لا يحتاجون إلى تعريف بالله لأن عندهم علما بالله عز وجل. يعرفون الله عز وجل بل يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. Mais en ce qui concerne les gens du livre, il dit là, on n'a pas besoin de leur faire connaître le Seigneur puisqu'ils le connaissent. Les gens du livre, que ce soit des chrétiens ou autres, ou bien des juifs, al-Yahoud, les gens du livre, eux connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'il y a un créateur qui a créé ce monde. Donc ils savent qu'ils ont un Seigneur, et qu'il y a un Créateur qui mérite la droite. Ça, ils le savent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la connaissance. C'est bien pour cela aussi qu'ils sont nommés, qu'ils sont appelés dans le Coran, les gens du livre. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des livres, donc ils ont une connaissance certaine au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fayarifun Allah, donc ils connaissent leur Seigneur. Bel yarifuna rasul, alayhi salatu wassalam. Et bien au contraire, Cheikh nous dit ensuite, ils connaissent même le messager. Le prophète, ils le connaissent. Et il est même stipulé dans le Coran, comme le Cheikh ici va le stipuler, « Kama ya'rifuna abna'ahum » Ils connaissent le messager comme ils connaissent leurs propres enfants. « Fa thara awwal manad'u an-nas ila tawhidillahi azza wa jal »« Qabla al-ma'rifa » Donc c'est pour cela que la première chose à laquelle on les appelle, cette première chose qu'on leur enseigne, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela bien même avant al-ma'rifa, avant même la connaissance. On les appelle à cela. Vous avez vu, c'est quelque chose de très important que souligne ici Cheikh Ibn Uthaymeen. Et ces enseignements-là, on les tire directement du hadith du prophète. لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ فِطْرِي Pourquoi on les appelle tout de suite à l'unicité d'Allah au monothéisme? Parce que c'est quelque chose d'inné. إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مُنْغَمِسًا فِي قَوْمٍ أَفْسَدُوا فِطْرَتَهُمْ Sauf dans le cas où une personne, il était plongé, il vivait avec un peuple, au sein d'un peuple, qui ont corrompu sa nature innée et sa nature saine sur laquelle il a été créé. Dans ce cas-là, il dit « Hina idhin nu'arrifuhu billahi awwalan ». Donc dans ce cas-là, dans un premier temps, on va lui faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'appeler à la connaissance du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Thumma, ensuite dans un second plan, ندعوه إلى توحيد الله et là on l'appellera ensuite à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما القول mais en ce qui concerne cette parole بأن الواجب الشك أولا ثم المعرفة ثانيا ثم العقيدة ثالثا فهذا قول من أبطل الأقوال بل هو أبطل قول سمعته. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, la première obligation donc qui incombe, ça serait d'abord de douter, d'avoir le doute. Ensuite, après cela, de chercher la connaissance, d'avoir la connaissance. Ensuite, après cela, l'incroyance. Et dit ça, c'est l'une des pires paroles, l'une des paroles les plus mensongères et fausses paroles que je n'ai jamais entendues, il dit. Bien au contraire, c'est la parole la plus fausse que j'ai entendue. Min abtal wa huwa abtal qawlin sami'tuhu. Fa'ida arafu dhalik, comme il a expliqué précédemment. Ensuite, le prophète en somme dit, donc, s'ils ont compris cela, s'ils ont connu cela, et dans un énoncé, il est dit, fa'in ata'uk li dhalik. Wa hada al-lafz alladhi thiqa bih al-hadith siyaqan tamman. Alors, le prophète sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, alors enseigne-leur que Allah jalla wa ala leur a prescrit des prières. Donc ils auront des prières quotidiennes. Ensuite, enseigne-leur aussi qu'ils devront s'acquitter de l'aumône légale, zakat. Donc de prendre une zakat et de s'acquitter de cette zakat, de cette aumône légale. De prendre cela de leur bien. Zakatan fi amwalihim. Fi amwalihim, lorsqu'il est dit de leur bien, tadullu hadhihi al-lafz ala anna zakata wajibatun fil mal. Wa huwa kadhalik. Ça prouve, cet énoncé-là prouve que l'aumône légale, qui est le troisième pilier de l'islam, donc l'islam, comme vous le savez, est bâti sur cinq piliers, donc l'aumône légale, ce troisième pilier de l'islam, donc il est obligatoire. Et l'énoncé prouve qu'il est obligatoire. ولهذا لا يشترط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال مكلفا. C'est pour cela qu'il dit, cette obligation, elle ne conditionne pas selon l'avis le plus juste, que celui qui doit s'acquitter de cette zakat soit mukallafan. Al-mukallafan, c'est-à-dire, c'est celui dont les actes d'adoration lui sont imposés. Il doit adorer, par exemple, celui qui a atteint l'âge de la puberté. À présent, les actes d'adoration lui sont obligatoires. Par exemple, celui qui a toute sa raison, celui qui est sain d'esprit et autres. Donc là, il devient mukallaf. Mukallaf, donc, c'est celui dont les obligations ensuite lui sont prescrites. Et donc, il lui incombe, c'est une charge qui lui incombe, d'observer et de pratiquer ces obligations-là. Donc il dit, dans ce hadith-là, on a une preuve que le fait que la personne soit mukallaf, qu'il ait cette charge d'observer et d'accomplir ces obligations-là, eh bien, ce n'est pas une condition pour donner la zakat. De sorte que, fatajibu fimal as-sabi, par exemple, la zakat, elle est obligatoire, par exemple, pour les biens du petit garçon. Ou bien, fimal il-majnoun, pour celui qui n'est pas sain d'esprit. Par exemple, pour celui qui est fou, pour le fou, celui qui n'a pas toute sa raison, eh bien, leur tuteur, que ce soit du garçon ou bien du fou, doivent sortir la zakat du petit garçon ou bien du fou. Pourtant, ces deux catégories ne sont pas mukallaf. Le mukallaf, comme on a dit, c'est ay baliran aqilan. Le mukallaf, c'est celui qui a atteint l'âge de la puberté et qui est sain d'esprit. Mais il dit la généralité du récit sous-entend que l'avis le plus juste, ça serait que le fait qu'il soit mukallaf n'est pas une condition. Même celui qui n'est pas mukallaf, eh ben, on doit sortir son tuteur, doit sortir la zakat des biens, que ce soit de l'enfant ou de celui qui a perdu sa raison. Min raniyihim faturaddu ala faqirihim. Et le prophète stipule bien dans le récit que cette zakat-là, elle est prise du riche et elle sera redistribuée aux pauvres, donnée aux pauvres. Wal muradu bil ghani huna. Et quel est le sens du riche ici? Cheikh nous dit « Man yamliku nisaban zakawiyan » C'est celui qui détient le seuil. « Amma man yamlik al-aqar walau kathura fa'innahu laysa ghaniyan bil-nisbah li wujubi al-zakat alayh. Lianna al-aqarat ala al-qol rajih la tajibu fiha al-zakat. » Donc il dit, Cheikh, celui qui est considéré ici, celui qu'on va dire, al-ghani, le riche de qui? Donc on va prendre cette zakat-là, celui qui devra s'acquitter de cet impôt légal, alors c'est celui qui détient le seuil. C'est-à-dire que lorsque la personne a de l'argent ou autre, alors c'est bien là, lorsqu'ils ont atteint un certain seuil, et ça se calcule par rapport au cours de l'or, alors il est considéré comme imposable. Donc s'il est considéré comme imposable, il doit s'acquitter de cette zakat. Et Shiridim, ici, celui, par exemple, qui détient des biens immobiliers, par exemple, lui n'est pas considéré par cela. Pourquoi? Parce qu'il dit, selon l'avis le plus juste, c'est que celui qui détient, par exemple, des biens immobiliers, lui n'est pas une obligation qui sorte à zakat sur cela. Ce n'est pas une obligation. Il dit, la tajibu fiha zakat. Par contre, il faudrait qu'il ait des biens, de l'argent ou autre, sur quoi il doit sortir la zakat. Et là, s'il atteint le seuil, ce qu'on appelle en arabe an-nisab, et que cela fasse le tour d'une année, alors il sera imposable et devra s'acquitter de la zakat. À qui se donne cette zakat? Le prophète sallam stipule bien, cette zakat, cet impôt légal, qui est le troisième pilier de l'islam, se donne aux pauvres. Donc elle revient aux pauvres. Ala faqirihim dalilun, et la preuve, ala anna sadaqa tuwazza ala mustahiqiha tawzi'a afradin la tawzi'a jami'a. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لبيان جنس المستحقين. Et ici donc, cette zakat-là donc sera redistribuée aux pauvres, c'est-à-dire les nécessiteux, ceux qui le méritent. Et c'est pour cela que dans le texte, dans le verset par exemple, 60 de sourate Tawba, la sourate le repentir, dans le verset 60, Allah Jalla mentionne les catégories, il y a huit catégories qui sont mentionnées dans le verset. Donc vous pouvez vous référer au verset 60 de sourate Tawba, la sourate du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala va citer la huit catégories. Huit catégories de gens, de ceux qui méritent cette zakat, à qui on doit donner, à qui on peut donner cette zakat. Mais Cheikh, il dit, ce qu'il faut comprendre du verset, c'est qu'Allah Jalla wa ala nous enseigne ceux qui méritent cette zakat. Mais pas forcément de la distribuer à l'ensemble de ces huit catégories. Donc il dit le verset ici, 60 de Sourate Tawbah, clarifie que ces différentes catégories méritent de recevoir cette zakat. وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف بالزكاة. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمه الله من وجوب هذا النص. من وجوب هذا النص. Donc c'est pour cela que ce n'est pas dans le verset n'est pas dans le sens qu'il faudrait distribuer la personne qui donne sa zakat à ces huit catégories. C'est-à-dire que ces huit catégories vont bénéficier, devra partager sa zakat à ces huit catégories. Mais ce qui est demandé, c'est de la donner à celui qui mérite de sortir cette zakat et que celui qui la reçoit mérite cette zakat. Et dans ce verset-là, justement, 60 de Sourate Tawbah, Allah Jalla nous a mentionné les différentes catégories, il en a mentionné 8, qui méritent de recevoir cette zakat. C'est pour ça que il dit que certains savants, eux, ont été d'avis que فَقَالَ بَعْضُهُمْ que la personne devrait diviser sa zakat en 8 parties. Les كُلِّ min Donc, et chacun de ces 8 catégories recevra 8 parties de sa zakat. 8 parties de sa zakat. Certains ont dit cela. Il dit d'autres encore ont dit bal jaa bi lafdi al jam' min hadhihi al asnaf. Wajaba an nu'ti thalathata minhum wa hada wa ala hada fa yakun al wajib an nu'ti thalathata fuqara. Thalatha basakin wa thalatha 'amilin 'alayha wa thalathatan gharimin mathalan aw thalathata riqab aw thalatha مؤلف قلوبهم وابن السبيل وفي سبيل الله وهذه مفردة فتتصدق على الواحد. Et certains ont dit donc, il faudra donner aussi, certains ont été d'avis, qu'il faudra donner à trois de chacune de ces catégories. C'est-à-dire, il dit, وعلى هذا فيكون الواجب أن نعطي ثلاثة فقراء, qu'on donne à trois pauvres, ensuite à trois nécessiteux, à trois de ceux qui sont collecteurs de cette zakat. Pourquoi? Parce que parmi ces huit catégories, ceux qui méritent de recevoir cette zakat-là, cet impôt-là, de la recevoir, ceux par exemple qui ont été mandatés, délégués pour collecter, c'est les collecteurs de cette zakat par exemple, ou bien ceux qui sont fisabilillah dans le sentier d'Allah, ou bien ceux dont on veut gagner leur cœur par exemple, ils font partie de ceux, ou bien ceux qui errent, qui sont errants, qui sont endettés, des voyageurs endettés par exemple, font partie de cette catégorie, de ces catégories qui méritent de recevoir la zakat. Certains ont dit donc qu'il faudrait donner par exemple à trois de ces catégories, trois pauvres, ensuite trois nécessiteux, trois collecteurs de la zakat, trois qui ont gagné leur cœur, etc. Mais ça, c'est des avis qui ont été donnés. Mais l'avis le plus juste, c'est que le verset ne veut pas dire cela. Cheikh nous enseigne que le verset, ce n'est pas cela qu'il veut dire. Le sens du verset, ici, dans ce verset, Allah nous enseigne ceux qui méritent de recevoir la zakat, à qui on doit la donner. Et de ce fait, il a mentionné huit catégories de gens qui la méritent. Alors il a mentionné al-masakin, al-miskin, le pauvre, il a mentionné, ou plutôt le nécessiteux, celui qui est dans la nécessité, dans le besoin. Ensuite, il a mentionné al-faqir, le pauvre, pourquoi? Parce que le pauvre et le nécessiteux, il y a une différence entre les deux, mais ce n'est pas le sujet. Peut-être dans d'autres assises, on expliquera la différence entre le pauvre et le nécessiteux. En tout cas, dans le verset, il est mentionné le nécessiteux, le pauvre et autres catégories. C'est dans le sens que cela mérite, ils méritent de recevoir cette zakat, cet argent-là, parce qu'ils sont dans le besoin, tout simplement. Donc c'est ça qui est voulu dans le verset 61 de Sourate At-Tawbah. La wujub as-sarf fil jami'. Et non le fait de donner à chacune de ces catégories différentes. Mais si on trouve un pauvre ou un nécessiteux ou un appartenant à l'une de ces catégories-là, alors on peut lui donner, on lui donne notre zakat. Parce que ce sont ceux qui méritent réellement la zakat. C'est ça la bonne compréhension du verset et l'avis le plus juste ici dans la compréhension du verset. Et ensuite, il nous dit, et donc ce hadith, il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup d'enseignements bénéfiques, et certains, eh ben, on les a mentionnés dans ce qui a précédé, il dit. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit dans ce hadith, ce qui est en relation avec le chapitre, c'est lorsque le prophète sallam dit à Mouad, lorsqu'il l'envoie il al Yémen, il lui dit Ila an yuwahidu Allah. Tu les appelles à unifier Allah subhanahu wa ta'ala, à pratiquer le monothéisme et le tawhid, l'unicité. Et concernant la question, concernant la question donc que les biens de la zakat, l'argent, donc c'est pris de ceux qui ont les moyens, des riches, et ensuite c'est redistribué aux pauvres. Là, il va traiter la question, Shir. Il va dire, est-ce que cela sous-entend, implique que lorsque on prend le bien du riche pour le redistribuer aux pauvres, est-ce que c'est les riches de ce pays, donc ça devra être redistribué aux pauvres du même pays? Et comme vous savez, la zakat, c'est la personne qui a les moyens, donc, et qui a atteint le seuil, donc il devra sortir 2,5. 2,5 de ce qu'il possède. 2,5 de ce qu'il possède. Par exemple, un exemple pour une personne qui posséderait, qui aurait des économies, il posséderait par exemple 10 000 euros sur 10 000 euros, donc il donnerait 2,5, ce qui donnerait 250 euros, par exemple. Et ici, la question que Shir, c'est pour juste éclaircir la question. Donc la question ensuite que Shir va mentionner, est-ce qu'il faut à tout prix donner aux pauvres qui se trouvent dans le pays? Alors il dit Al-Jawab. La réponse, il dit Akhadabar de l'Ulama. Certains savants, eux, Akhadabar de l'Ulama, min hadal hadith, annahu la yajuz naql zakat an il balad, alladhi fihi al aghniya ou ila balad il akhar. Il dit oui, effectivement, certains savants se sont basés sur ce hadith pour dire que on doit donner aux pauvres dans le pays où on se trouve, du même pays, et ne pas la faire sortir vers un autre pays. Mais d'abord, considérer les pays, les pauvres plutôt dans le pays où on se trouve. Qawlu ghaniyihim, du fait que il reste sur la spécificité du terme ici, lorsqu'il dit ghaniyihim, pris de leurs riches, khassun bi aghniya ahl al-Yaman. Et là, on voit bien que il est bien stipulé, mentionné, c'est-à-dire de leurs riches, c'est-à-dire les riches des gens du Yémen, puisque le prophète a envoyé le compagnon Mu'ad ibn Jabal au Yémen et lui dit, s'ils reconnaissent l'unicité et ensuite la prière, les prières quotidiennes prescrites, alors enseigne-leur qu'il y a une zakat à donner, un impôt à donner aux pauvres, une sadaqa, une aumône à donner aux pauvres, qui serait pris de leurs riches. Donc il est dit de leurs riches, c'est-à-dire des riches, des gens du Yémen. C'est pour ça que certains savants se sont basés sur cela pour dire donc c'est les riches du pays, donc cette aumône doit être redistribuée aux pauvres du pays. فقيرهم أيضا خاص بفقراء أهل اليمن ووجهوا ذلك أيضا من حيث المعنى. Donc c'est de ce fait, ils ont compris de ce sens-là que cette zakat doit être redistribuée dans le pays où cette personne se trouve. أن الزكاة إذا نقلت من بلد الغني إلى بلد آخر صار هذا إغار لصدور الفقراء الذين في البلد وكرهوا الأغنياء. Et ces savants qui se sont basés sur cet avis, se sont basés sur cet avis, eux, ils ont considéré que si on redistribue la zakat dans un autre pays, ça peut laisser quelque chose, une sorte de répugnance ou de dégoût dans le cœur et la poitrine des pauvres. Le fait que les pauvres voient que cette zakat est allée dans d'autres pays et eux n'ont pas bénéficié de cette zakat alors qu'eux-mêmes étaient prioritaires et étaient dans le besoin. Donc ça peut laisser une forme de dégoût et d'animosité dans leur cœur. Et de ce fait, ensuite, ils vont détester les riches de leur pays. Et ça peut ouvrir une porte ensuite à l'injustice, qu'ensuite, eh ben, ces gens-là peuvent outrepasser les limites pour s'accaparer les biens des riches et prendre de leur argent. Et c'est pour ces raisons-là que certains savants se sont basés sur ce hadith. Et sur ces raisons-là, pour dire que la zakat doit rester dans le pays. Et ça, c'est l'avis célèbre de l'école juridique de l'imam Ahmed. L'avis célèbre de l'école juridique de l'imam Ahmed. Annahu yahrumu naql az-zakat ila kharij al-balad, lakinnahum qayyaduha bi masafati al-qasr. Qayyaduha bi masafati al-qasr. Et ça, c'est l'avis célèbre de l'imam Ahmed. Sauf qu'il a lié à cela, il a conditionné que ce soit d'une distance de masafati al-qasr. Masafati al-qasr. C'est une expression pour dire une distance lorsqu'on peut réduire les prières. Au lieu de 4 rak'at, on fait 2 rak'at, par exemple, pour le voyageur, une distance de voyage. Illa idha lam yakun fil balad mustahiq, fatusraf fi baladin akhar. Sauf, il dit, il conditionne, sauf à l'exception, si dans ce pays, il n'y a pas de gens réellement pauvres qui méritent vraiment cette aumône, et on trouve dans d'autres pays ceux qui méritent et qui sont vraiment dans le besoin, dans ce cas-là, on peut l'envoyer dans un autre pays. C'est pour ça que certains savants aussi se sont basés sur ça pour autoriser et permettre que cette zakat soit envoyée dans un autre pays si, par exemple, dans ce pays-là, par exemple, les gens ne le méritent pas vraiment et d'autres pays sont vraiment dans le besoin. C'est pour ça que il y a eu un deuxième avis où d'autres savants le permettent. Voilà, on va conclure sur cela puisque là, on a fini l'explication de ce hadith et ensuite. L'auteur va citer un nouveau hadith. Il va citer un nouveau hadith. Donc, dans la prochaine allocution, inshallah, on étudiera le troisième hadith. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.